Après l'apparition du journal Physics of the Dark Universe en 2012, qui ouvrait la voie des journaux d'astrophysique en open access chez le grand éditeur scientifique Elsevier, voici un nouveau venu, toujours chez Elsevier, et à nouveau en accès libre et gratuit. Il s'intitule A Journal of High Energy Astrophysics. Ce journal, comme son titre l'indique, accueillera des publications sur le sujet ô combien passionnant des phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Le premier article vient d'ailleurs d'être mis en ligne, et c'est un bon début car ce tout premier article est une revue sur les détections de neutrinos ultra-énergétiques de IceCube, ce super détecteur de neutrinos enfoui dans la glace antarctique. Un gros glaçon de 1 km de côté, bardé de milliers de photomultiplicateurs traquant à chaque instant le moindre photon de lumière Cherenkov produit par des particules secondaires relativistes. Cet article, rédigé par une équipe de physiciens américains, revient sur la petite trentaine de neutrinos très très énergétiques détectés jusqu'à aujourd'hui par IceCube, en posant les différentes hypothèses sur leur origine astrophysique. D'où peuvent bien venir ces neutrinos ? Il est encore très difficile de déterminer précisément la direction des neutrinos détectés par le détecteur géant. Mais c'est désormais le but des physiciens, déterminer les sources des neutrinos. Ces 28 neutrinos cosmiques se composent de 26 individus d'énergie comprises entre 50 TeV et 1 PeV, et de deux autres entre 1 PeV et 2 PeV, les fameux Berthe et Ernie. Les auteurs expliquent les origines possibles de ces neutrinos. Ils peuvent être galactiques ou extragalactiques, c'est-à-dire provenant de notre galaxie ou bien de plus loin d'autres galaxies. Et pour chacun de ces deux cas, leur origine peut être diverse. S'ils sont galactiques, le modèle qui semble le mieux à même d'approcher les données collectées serait une origine par des interactions entre protons qui vont produire des pions qui eux-mêmes se désintègrent en muons et en neutrinos. Et Luis Ancordocchi et ses collègues montrent qu'il se pourrait bien que le centre galactique soit le lieu d'origine d'au moins 6 neutrinos sur les 28, et que ça commencerait à être significatif. Bon, il concède tout de même que c'est un peu spéculatif. L'autre famille de modèles considère que les neutrinos cosmiques vus par IceCube sont extragalactiques, et dans ce cas, ils ont plusieurs origines possibles, dont les physiciens américains dressent la liste en précisant les contraintes associées. Ces possibilités sont les suivantes. Des bouffées de rayons gamma, ce qu'on appelle des GRB, ou bien des noyaux galactiques actifs, ce qu'on appelle des AGN, des blazars, des galaxies à flambée d'étoiles, des pulsars récents, ou encore des rayons cosmiques ultra-énergétiques. Autant de phénomènes astrophysiques qui peuvent produire les particules étonnantes détectées en Antarctique. Retrouvez dès maintenant comment ces objets au nom barbare produisent ces neutrinos en allant voir cet article du volume numéro 1 du Journal of High Energy Astrophysics, à la page 1. Il est là, www.sciencedirect.com/science/journal/22144048. Bonne lecture scientifique !